dans le cœur. Quand dans le ciel y'a trop obscur, trop de jeunes de mon âge ont basculé du côté obscur, perdant à coup surpayé pour les erreurs des autres. C'est pas les fils des hommes d'état qui finissent dans les fosses, c'est les civils ou les soldats tombés au combat, les moudjahidines ou les rebelles suivant l'endroit. Hier à Dublin, de nos jours à Bagdad, et souviens-toi, dans un RER de Paname, les proches des victimes pour pleurer n'ont plus que leurs yeux, et les croisades des hommes d'état se prenant pour Dieu. Trop de destins brisés à la Dalida par des membres de l'IRA ou de Al-Qaïda. Destins brisés, des bombes pètent tout autour du globe, l'être humain s'exprime mieux par le biais d'un globe brisé. Quand ça finit à la morgue, on compte les morts et les coupables s'en sortent. Destins brisés, des bombes pètent tout autour du globe, l'être humain s'exprime mieux par le biais d'un globe brisé. Quand ça finit à la morgue, on compte les morts et les coupables s'en sortent. Aux grands hommes, les grands combats, grands hommes, les grandes âmes, la parole, pas les balles, pas la torture, mais la foi qu'un homme ne peut juger, qui doit vivre ou mourir. Beaucoup d'hommes sont possédés par le pouvoir, la trésorerie. La couleur, la religion sont les prétextes de leur folie. Mais d'argent et domination, c'est bien de cela qu'il s'agit. Dissouver les peuples d'Afrique parce que son sang les rendra riches. Les laisse là s'y crever, y'a pas d'intérêt au Tibet. Beaucoup de gens vivent l'horreur en hurlant au secours. Pour la guerre a tué le bonheur, puisque l'argent a tué l'amour. Milliers de vies sacrifiées quant à l'extrême sont le péché, parce que la guerre n'a qu'un seul nerf pensé au-dessus du plafond de verre. Je finirai par te dire, y'a pas de bonheur sans drame. Aussi vrai que le calme expire, y'aura pas de paix sans combat. Je finirai par te dire que c'est le chaos que nous accueillons, parce que les bombes sont des civils entassés dans des avions. Destins brisés, des bombes pètent tout autour du globe, l'être humain s'exprime mieux par le biais d'un globe brisé. Quand ça finit à la morgue, on compte les morts et les coupables s'en sortent. Destins brisés, des bombes pètent tout autour du globe, l'être humain s'exprime mieux par le biais d'un globe brisé. Quand ça finit à la morgue, on compte les morts et les coupables s'en sortent. Destins brisés par la fureur d'un attentat, le temps s'arrête quand les morts se répandent en éclats. T'as ce gamin à l'origine de ce carnage, et ses soldats avec qui il le partage. Et t'as tous ces gens qui passaient par là par hasard, la seule trace qu'ils laisseront de la craie sur un trottoir. Les responsables sont absents de ce tableau, les mains propres bien installées dans leur bureau. Destin brûlé par la fureur d'un état, quand les corps sont entassés et que tout cela devient normal. Sera pas question de perdre son temps à parler d'équilibre. Ta tête d'un enfant, son cœur sera vide. Les fautifs sont à l'abri, toujours bien loin des conflits. La gravité de leur folie, ils n'en verront jamais le prix. À chaque vie sa valeur, seuls les faux partent en martyr. À chaque combat son horreur, la peine n'a toujours pas d'abri. Destins brisés, des bombes pètent tout autour du globe, l'être humain s'exprime mieux par le biais d'un globe brisé. Quand ça finit à la morgue, on compte les morts